viens pas que de Rizland. Je danse un costume plus vite qu'une tête d'Alaska. J'roule ma bosse, moi rappelez-moi que tu ne sais quoi. J'entends des coups de feu, j'en profite pour prendre du line. Dans les jours, sans rage de vie comme des feuilles d'un paquet de Rizland. Je danse un costume plus vite qu'une tête d'Alaska. J'roule ma bosse, moi rappelez-moi que tu ne sais quoi. J'entends des coups de feu, j'en profite pour prendre du line. Ding dong, sonnez les matines. C'est sans de ton dit de ta boîte de sandine. T'es calme et comme emballé, vraiment tu payes pas une mine. Ta mère est super cool, mais elle est super andine. Ton père est super fort en la pêche en la ligne. T'es tellement mal à l'aise qu'on t'habiterait dans une mine. C'est tout quand tu déjà des jouets tombés en ruine. Toujours dans la cage d'escalier qui pue l'urine. C'est dès que tu fermes les yeux, tu t'imagines. Le temps se consume plus vite qu'une tête d'Alaska. J'roule ma bosse, moi rappelez-moi que tu ne sais quoi. J'entends les coups de feu, j'en profite pour prendre du light. Dans les jours, s'arrange de l'envie comme des feuilles d'un paquet de Rizland. Le temps se consume plus vite qu'une tête d'Alaska. J'roule ma bosse, moi rappelez-moi que tu ne sais quoi. J'entends les coups de feu, j'en profite pour prendre du light. J'avale de l'oxygène et puis recrache une feinte. Tu prends une claque en voyant grandir les mangas. Marche à l'ancienne, le marche avec des bazookas. C'est fini, c'est passé, le temps à la Montana. Bienvenue dans l'air du natural, bon killa. Je parle pour tous mes frères et pour toutes mes sisters. Original, Wanga Morphine, Panda Max Delta. J'ai fait un nuit, mais ça se résume comme ça. Tout le monde était clean, y avait qu'une seule sera. Je pensais, t'imagines, plus de blanc, plus de renois. C'était vraiment sublime, tout le monde dit, mais ça met la réalité assassina. Esquive les coupons, les jours. Je donne la vie comme les feuilles d'un paquet de Rizland. Le temps se consume plus vite qu'une tête d'Alaska. J'roule ma bosse, moi rappelez-moi que tu ne sais quoi. J'entends des coups de feu, j'en profite pour prendre du light. Dans les jours, s'arrange de la vie comme les feuilles d'un paquet de Rizland. Le temps se consume plus vite qu'une tête d'Alaska. J'roule ma bosse, moi rappelez-moi que tu ne sais quoi. J'entends des coups de feu, j'en profite pour prendre du light. Qu'une tête d'Alaska.